dans la tendance, dans les coutumes, le rap devient de la haute couture. L'écriture ne s'écoute plus, un disque qui marche et beaucoup de plumes. Le corbeau lui a encore toutes ses plumes. Et dans ce milieu, tu ne sais plus qui est qui. Ne cherche pas des réponses avec l'argent, tout s'explique avec des sons. Lui festif, y'a des victoires de la musique. Moi, ma patate, j'ai la culture. Je ne suis pas de la mousseline, n'essayez pas de m'industrier. Plus de classe, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. À mon compte, je ne prose pas pour faire du chiffre. Mon rap à moi, c'est pas du flic, mais un savoir et une conscience. Des principes, des valeurs, du cœur et une souffrance. Sur une feuille blanche, a vécu une histoire. Un drame, du lyrique, de l'amour, de la haine, de l'espoir. Moi, personne ne m'exploite. Mon rap, c'est de la classe. Du 9-1, je ne serai jamais à côté de la plaque. Hey, hey. Nous, on ne rend pas des comptes. La vérité, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Ce qui compte, c'est que ceux qui écoutent ne nous prennent pas pour des cons. Car c'est pas les coups. Nous, on ne rend pas des comptes. La vérité, c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Ce qui compte, c'est que ceux qui écoutent ne nous prennent pas pour des cons. Car c'est pas les coups. FK plus de classe. Alors nous, car c'est pas les coups. Qui sait, reste trop bas. Alors nous, car c'est pas les coups. Arrache les chaînes, m'arrache les gènes, je ris jaune, Marie-Jeanne, j'ai dans les gènes, mon rap n'a pas d'hygiène. Le vrai pour rap part en éclat, pour ça qu'on en éclat. Fermez-la, déclare, déclare, ton rap c'est un déchet. Ferme là où ça va tout déchet. Quand t'as les pieds dans la mer, personne pour faire la courte échelle. Ça rase, reste ça rap, pendant que les stupes tournent que ça rage. Rap pour mes blancs, mes noirs, mes arabes. Dans ta caisse ou dans les showcases, tellement je fous la merde. Même les 10 showcases disent choqué. Que tu sommes pas de commercial, si le rap c'est la guerre, je serai jugé en cour martial. Autour du cou, j'ai une corde et pas de bling bling. Le rap n'est pas mort, j'attends le prochain album de Biggie. J'ai une faciale démolition, je mets de l'émotion. Qui sert, tu peux me trouver en vidéo sur Dailymotion. C'est tout sauf une question d'argent. La veille qui dort au soleil aura toujours besoin de son athlète pour qu'elle bronze. Le rap c'est avant tout une course de fond qui s'attribue la médaille du mérite sans se battre sur le front. C'est tout sauf une question d'argent. La veille qui dort au soleil aura toujours besoin de son athlète pour qu'elle bronze. Le rap c'est avant tout une course de fond qui s'attribue la médaille du mérite sans se battre sur le front. Hey, hey. Nous on ne rend pas des comptes. La vérité c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Ce qui compte c'est que ceux qui écoutent ne nous prennent pas pour des cons. Car c'est pas les coups. Hey. Nous on ne rend pas des comptes. La vérité c'est soit t'es pour, soit t'es contre. Ce qui compte c'est que ceux qui écoutent ne nous prennent pas pour des cons. Car c'est pas les coups. FK plus de classe. Qui sait, est-ce trop bas. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Si ne viens pas nous casser les couilles.